Retour vers le futur 5, il est 18h02 et nous entamons la deuxième partie de l'émission. Le développement de nouvelles techniques d'imagerie médicale, de technologies de l'information et de la robotique ont révolutionné la pratique médicale à un degré de complexité accru. Parmi ces technologies, la réalité virtuelle vient appuyer le praticien, en fait aussi bien lors de l'étape du diagnostic, de la thérapie que du suivi post-opératoire. Alors, pour en connaître davantage sur le sujet, je reçois Morgane Lemasson qui va nous expliquer comment le virtuel soigne le vrai. Bonjour Morgane. Bonjour. Oui, effectivement, nous allons nous intéresser là à l'intérêt que peut avoir la réalité virtuelle en santé. En fait, ça paraît un peu paradoxal, mais on note que depuis peu de temps, c'est vraiment assez récent, la médecine fait de plus en plus appel à ces mondes virtuels-là, comme les jeux vidéo, pour ceux qui ne connaissent pas trop, et notamment pour soigner des pathologies psychiatriques pour lesquelles les traitements pharmacologiques ne marchent pas très bien, sont très peu efficaces. Et en fait, pourquoi la réalité virtuelle est avantageuse, c'est qu'elle permet aux patients de rentrer dans des environnements 3D, tridimensionnels, qui sont réalistes, immersifs et sécuritaires. Et vous allez voir que ces trois éléments sont très importants. Mais Morgane, concrètement, quelles sont les applications médicales de la santé, de la réalité virtuelle? Alors, il y en a de plus en plus. Comme je l'ai dit, c'est encore en voie de développement. En France, il y a deux hôpitaux qui l'utilisent seulement, en Suisse, un. Okay. Mais, par exemple... Est-ce que c'est plus développé en France qu'ici, par exemple? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Okay. Moi, j'ai vu... j'étais au courant de ceux qui étaient en France. Okay. Donc, pour les exemples, ça aide à soigner la dépendance, telle que le tabagisme. Et pour exemple, je citerai une étude réalisée par le docteur Girard, où il demandait en fait à des fumeurs de participer à un jeu vidéo où ils devaient soit taper dans une balle, ça c'était les sujets contrôle, soit écraser des cigarettes. Okay. Et en fait, les résultats sont assez étonnants parce qu'ils montrent que, contrairement au groupe contrôle qui devait taper dans une balle et qui ne change pas du tout leur consommation, les autres qui devaient écraser des cigarettes vont totalement arrêter de fumer ou alors diminuer leur dépendance à la nicotine. Okay. De façon importante. Ça marche, quoi. Le deuxième exemple, c'est l'avantage de la réalité virtuelle pour combattre les troubles anxieux ou les phobies comme l'agoraphobie, la peur des araignées, l'altophobie qui est la peur de la hauteur ou l'aérodromophobie qui est la peur des avions. Et en fait, dans ces cas-là, la réalité virtuelle va permettre de placer les individus dans des contextes qui leur font peur et permettre d'évoluer dans ce contexte-là, pas à pas, progressivement. Et ce qui est très important, c'est que ça va se faire sans aucun danger. Donc, on va amener le patient réellement à évoluer dans ces milieux-là. En fait, en anglais, on dit « face your fear, it will disappear ». Faites face à votre peur et elle va disparaître. Ils peuvent faire face parce qu'ils n'ont pas peur. Oui, parce qu'il n'y a pas de danger, effectivement. Et après, il y aura une rééducation au niveau réel. Ça sera différent s'il doit monter des étages, mais il y aura tout un processus d'apprentissage auparavant. D'accord. Alors évidemment, chaque intervalle virtuelle va être adaptée à la phobie qu'on cherche à traiter. Par exemple, le patient va devoir soit évoluer dans un environnement infesté d'araignées, soit gravir des étages, soit encore conduire carrément un avion grâce à un simulateur d'avion. Et puis là, les médecins qui ont commencé à utiliser ce procédé estiment quand même que ça permet de soigner 2/3 des phobiques. Donc c'est vraiment très encourageant. Le dernier exemple que je voulais vous exposer, c'était l'utilisation de cette réalité virtuelle-là pour les psychiatres eux-mêmes, pour préciser leur diagnostic lorsque la pathologie est assez compliquée, comme pour la schizophrénie, par exemple. Donc là encore, ça va permettre au médecin de placer le patient dans un contexte complètement différent, une foule, une forêt, face à des gens ou n'importe quoi. Et puis là, il va voir en temps réel la réaction de son patient. Il va pouvoir interagir avec lui et analyser à la fois l'aspect cognitif, c'est-à-dire comment l'individu va raisonner, percevoir son environnement et interagir avec celui-là, et aussi émotif, est-ce qu'il va se mettre à trembler. Donc ça, ça va vraiment aider les diagnostics considérablement. Alors la cybermédecine est donc à l'aube de devenir un élément clé de la médecine moderne. Oui. Tout à fait. Et puis ça, c'est dû au fait que l'effet comportemental sur les patients est tellement fort que, en fait, ça va permettre de changer la façon de penser et donc la psyché de ces individus-là. Mais qu'est-ce qui permet aux gens d'oublier la réalité, de se laisser prendre au jeu? Ben, c'est ce qu'on appelle le processus d'immersion. En fait, pour tout vous dire, pour avoir vraiment un traitement efficace, il va falloir que l'individu arrive complètement à s'immerger dans l'environnement virtuel qu'on lui propose. Et qu'il arrive à un moment donné à être convaincu qu'il est dans une situation dans une autre situation, avec d'autres gens ou dans un autre contexte que celui où il est réellement. Oui, parce qu'en fait, il faut qu'il y croie. Là. Voilà. C'est ça l'importance. Il faut qu'il se prête au jeu. Effectivement. Alors, plus l'immersion est totale, en fait, plus l'implication des individus dans la réalité virtuelle sera forte, mais aussi plus la thérapie sera une réussite. Oui, c'est ça. Et puis, on le voit bien dans le cas que je vous ai exposé tout à l'heure sur le tabagisme, parce que comme je vous ai dit, en fait, certains individus ont arrêté de fumer, alors que d'autres ont diminué seulement leur consommation. Uh-huh. Eh bien, cette différence-là est due au fait que l'immersion de certains individus était beaucoup plus importante que d'autres. Mais l'immersion est un processus très complexe, non? En fait, de quoi s'agit-il réellement? Oui, c'est extrêmement complexe. Alors, je vais essayer d'être claire. En fait, c'est un processus comportemental qu'on dit multimodal. Okay. Parce qu'il prend compte à la fois les éléments sensoriels et des éléments cognitifs. Alors, pour avoir une bonne immersion, il faut que nos cinq sens, que ce soit le toucher, la vision, l'audition, soient en alerte. Oui. Donc, par exemple, si on marche sur du gravier, si on entend le bruit du gravier qui écrase sur les pas, eh ben, on va trouver ça beaucoup plus réaliste. Effectivement. Et donc, c'est ces cinq sens-là qui vont permettre à l'individu de percevoir l'environnement numérique comme réel. Effectivement, et d'y croire. Voilà, et d'y croire. Mais il y a aussi un côté cognitif, c'est-à-dire que l'individu est là et doit percevoir son environnement comme réel. Donc, il y a une décentrement de la perception, il y a une analyse de l'environnement et tout ça, c'est cognitif. Et alors, pour comprendre un petit peu tout cela, je suis allée discuter avec Mathieu Guiton, qui est professeur à la faculté de pharmacie et chercheur à l'Institut en santé mentale du Québec. Et il m'a raconté qu'en fait, il a fait une première étude où il regardait l'implication d'une seule modalité sensorielle, qui est la vision, dans le phénomène d'immersion. Et donc, en fait, en collaboration avec un spécialiste des images de synthèse, François Gillard, qui est également professeur à l'École des arts visuels, ils ont cherché à savoir comment on devait synthétiser la peau, qui est l'élément que l'on voit chez les pépères des jeux, donc les avatars, en premier. Donc, comment on pouvait la synthétiser pour que ça soit vraiment réel et qui est un processus d'immersion. Et donc, ils se sont aperçus que si la peau était synthétisée de façon lisse et colorée, ça allait être attractif parce que ça faisait référence à la beauté, à la jeunesse. Okay. Par contre, ce n'est pas forcément ce qui va permettre le plus de réalisme. Pour avoir le plus de réalisme, il va falloir ajouter à cette peau des imperfections. Ah ben oui. Voilà. Et donc, c'est ça qui va permettre l'immersion. Donc, en gros, ils ont montré que pour avoir une bonne immersion, il faut un degré de réalisme, mais pas du tout de la beauté. Mais le processus d'immersion est, comme tu l'as dit plus tôt, en fait, très complexe. Est-ce qu'il y a des études qui prennent en compte plusieurs modalités sensorielles et non rien qu'une ou deux? Oui. En fait, la même équipe a fait une étude pour regarder l'interaction entre, cette fois-ci, deux modalités sensorielles dans l'immersion. Donc, un aspect bimodal. Et donc, ils ont regardé, en fait, l'interaction entre l'aspect visuel et le choix des noms des avatars, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont les bonhommes dans nos jeux vidéo. Et donc, pour étudier cela, ils ont pris un modèle qui est le jeu qui s'appelle World of Warcraft, où les joueurs doivent choisir d'incarner un personnage et doivent leur donner un nom. Et donc, ils vont avoir le choix entre deux types de personnages différents. Soit être des individus qui ressemblent à des hommes, comme des elfes, ou alors incarner une créature monstrueuse, comme des trolls ou des minotaures. Et lorsqu'on regarde l'association entre les deux, on voit que le choix du nom n'est pas du tout indépendant de l'aspect visuel de l'avatar. C'est-à-dire que plus on s'éloigne d'un aspect visuel standard humain, plus on va chercher à donner une connotation humaine au nom qu'on va choisir. Et en fait, on le donne en hyperféminisant le nom, en mettant plus de voyelles. Donc, ça va donner un côté plus humain. Alors, ce qui veut dire que, en fait, qu'il y a une interaction multimodale en fait, entre l'aspect visuel et le nom. Oui, dans ce cas-là, exactement. Mais ça reste très perceptif. Est-ce qu'il y a des études en fait, faites sur l'aspect cognitif? Oui, ben, comme je vous l'ai dit, voilà, il y a dans l'immersion un aspect cognitif, un aspect perceptif. C'est justement l'étude qu'a fait Mathieu Guiton aussi avec son étudiante à la maîtrise, Catherine Lortie. Donc, eux, ils ont regardé l'interaction entre... un aspect perceptif qui a encore l'aspect visuel des avatars, mais aussi un aspect cognitif qui est très complexe, qui est la relation sociale. Donc, ils ont pris comme modèle le même jeu vidéo, World of Warcraft. Et dans ce jeu, en fait, après, une fois que les joueurs ont choisi leur personnage et leur nom, ils doivent former un groupe de combat. Et donc choisir différents avatars pour former leur groupe. Et on sait qu'en théorie, la meilleure façon d'avoir un groupe combatif, c'est d'avoir dans ce groupe-là plusieurs types d'avatars différents, des minotaures, des trolls, des elfes. Donc plus ça sera hétérogène, plus le groupe sera fort. Et c'est ce qui se passe en fait quand les individus choisissent de représenter des créatures monstrueuses. Donc là, spontanément, on va voir que dans le groupe qu'ils ont formé, ça sera extrêmement hétérogène et donc très fort. Mais par contre, lorsque les joueurs incarnent des créatures semblables à l'homme, on voit plutôt qu'ils vont se regrouper avec des personnages qui leur ressemblent. Donc voilà, donc avec des semi-hommes. Ok, alors tu te montres qu'en fait, qui se ressemble, s'assemble. Oui, effectivement. Et dans ce cas-là, ce qui est marrant, c'est que le comportement spontané, donc cognitif de l'individu, est au détriment de l'efficacité du jeu. Et donc, en fait, toutes ces études-là que fait Mathieu Guiton et son équipe et ses collaborateurs aident à mieux comprendre les mécanismes cognitifs qui sont sous-jacents à ce phénomène d'immersion. Comment on peut avoir une meilleure immersion? Parce que le but est de contrôler un peu la réalité virtuelle pour pouvoir l'utiliser au mieux à nos fins. Au niveau médical, par exemple, ou dans d'autres domaines. Et comme on a vu, ce monde virtuel-là est de plus en plus présent dans nos sociétés, que ce soit les jeux, Facebook ou n'importe quoi. Donc, c'est un enjeu assez capital qui devient de plus en plus important à l'heure actuelle. Merci Morgane Levasseur pour nous avoir plongé dans le monde merveilleux de la réalité virtuelle qui soigne. J'aimerais aussi éventuellement parler de la réalité virtuelle qui tue, celle associée aux jeux vidéo violents et l'impact de cette quasi-réalité virtuelle en fait sur la vie de celle qu'il expérimente tous les jours. Ouais. Je ne sais pas si ça a été documenté. Ça, mais, je rechercherai, je pourrais vous faire une chronique pour savoir les statistiques. Et je pense que ça va dépendre beaucoup en fonction de l'âge des utilisateurs. C'est l'impact sur les individus va être plus important si on est avec des jeunes enfants. Mais dans toute cette réalité virtuelle-là, même la pornographie, pousse par exemple à une hypersexualisation des adolescents. Donc ça va changer vraiment le comportement des individus parce que c'est fort et immersif. Oui, Alors, on va en reparler certainement. Alors, entre-temps, nous allons retourner dans la réalité factuelle de l'émission avec une pause musicale. Alors, vous écoutez Futur Simple à l'antenne de CKRL 89,1.